Bonjour à tous, nous sommes avec Vincent au téléphone qui va nous parler d'un atelier d'écriture qui aura lieu très prochainement. Bonjour Vincent. Bonjour Lia, donc oui, très prochainement c'est le 13 avril, samedi après-midi, dans la salle attenante à la mairie du syndicat, le syndicat près de, entre Vanier et Remiremont, hein, oui. cette commune. Et alors donc, cet atelier se déroulera autour des œuvres picturales et imaginaires de Jean-Paul Sambry. Alors Jean-Paul Sambry est un monsieur qu'on a connu par la poésie, il écrit, il participe à divers ateliers d'écriture de la région. Et j'ai découvert un jour à Rue-sur-Moselle dans une exposition qu'il faisait des peintures assez intrigantes, imaginaires, étonnantes. Et j'ai pensé que ces peintures pouvaient être des portes d'entrée à un imaginaire supplémentaire ou autre, avec l'écriture, la poésie, voilà. Quelque chose d'inspirant. Voilà. Alors oui, c'est vrai, donc à la radio on ne peut pas décrire, mais c'est des paysages tout à fait non figuratifs, et enfin des paysages, des horizons tout à fait non figuratifs, dans lesquels les gens seront invités à rentrer, à se déployer dans la petite salle. Une salle qui n'est pas très grande, mais sympathique, à côté de la mairie du syndicat. D'accord. Et ils recueilleront des impressions, des mots, échangeront tout ce que d'habitude on fait toujours un réservoir de vocabulaire. Ils seront amenés à rentrer dans certaines œuvres qu'ils choisiront, à compléter, à inventer des poèmes ou des histoires, ou aller au-delà à l'intérieur de ces peintures qui conduisent à l'inconnu d'une certaine façon, voilà. D'accord. Voilà donc l'atelier auquel nous invitons les gens à participer. Oui. Il n'y a pas besoin de, ça sera gratuit. Il n'y a pas besoin de, bon, on dit c'est l'Union des écrivains vosgiens, mais les écrivains, c'est plutôt les écrivains, je dirais, parce que c'est des gens qui aiment écrire, voilà. D'accord. Et il n'y a pas besoin de formation préalable. Alors ni ça, quoi que ce soit, voilà. Ok. Alors, ça samedi 13 avril. À partir de 14h, c'est gratuit. On peut s'adresser à moi-même pour inscription, si possible. D'accord. C'est mieux. Alors, je donne mon numéro de téléphone, donc Vincent de Convis, c'est moi. D'accord. Alors, c'est bien qu'à la radio, on n'a pas un crayon à côté pour marquer, mais enfin, c'est 06 83 17 66 36. D'accord. Voilà, ou vede88@orange.fr, ou plus simplement aller sur l'annuaire et on trouve mon numéro et on s'est transféré de toute façon. Voilà. D'accord. À Bussan, mon numéro à Bussan. Voilà. Ok, voilà pour cet atelier d'écriture qui aura lieu samedi 13 avril au syndicat, avec toutes les informations pour s'inscrire directement avec toi. On remettra ces informations sur notre page Facebook. Merci Lia. Merci à toi Vincent. À bientôt. À bientôt.